Transfert. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bon réveil en ce mercredi 29 avril 2015. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel avec, dans un instant, François Chalin, qui est avec nous depuis lundi pour nous raconter les faces cachées du Corbusier. Aujourd'hui, troisième épisode. Et puis, en deuxième partie, je recevrai Céline Gailleur et Olivier Boller, qui ont réalisé un documentaire autour de la relation qu'entretient le grand sociologue français Edgar Morin au cinéma. Ça s'appelle Chronique d'un regard. Ça sort dans deux salles seulement à Paris aujourd'hui. Mais comme c'est vraiment intéressant, un film et un documentaire que je vous recommande, ils seront nos invités d'honneur tout à l'heure aux alentours de 6h20. Exposition Le Corbusier au Musée National d'Art Moderne à Paris. Je dis de la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciels, mais non pas des gratte-ciels américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas, mais des gratte-ciels modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libres, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrade, surélevées, là, quand elles sont en transit. Et pour commencer notre série de la semaine, les faces cachées du Corbusier, par le critique d'architecture François Chalin, auteur par ailleurs d'un ouvrage consacré au Corbusier, édité par Le Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Bonjour François Chalin. Bonjour. Troisième épisode, l'urbaniste autoritaire. François Chalin, on a parlé de l'architecte, il était aussi urbaniste, le Corbusier. Les architectes ont toujours été les urbanistes, hein, jusqu'à les récentes années dans lesquelles ces deux métiers se sont tout à fait disjoint, enfin pour l'essentiel, en tout cas une bonne part du pouvoir de faire les villes n'appartient plus aux architectes, les architectes étaient les urbanistes. Déjà depuis la création des grandes écoles d'urbanisme, des premières grandes figures qui apparaissent, notamment en France, vers 1900. Alors hier, vous nous parliez de ce désir du Corbusier d'abord de se distinguer, et puis aussi de s'imposer, et de son identification au Messie carrément. Et est-ce que à cette époque-là, au début du Corbusier, il y avait déjà des urbanistes architectes qui étaient très connus, très stars, et quelle relation le Corbusier entretenait avec elles? Bon, star, on peut pas employer le mot star qui est un mot contemporain, mais il y avait l'école française d'urbanisme. Connue, reconnue, oui. Célébrée. L'école française d'urbanisme, des figures qui s'appellent Lavedan, qui s'appellent Prost, qui s'appellent Jocely, qui s'appellent ceci, cela, se disputaient avec les Anglais. Et pour l'essentiel de l'urbanisme mondial. Ils travaillaient en Amérique latine, ils travaillaient, les grands paysagistes et les grands urbanistes de ces époques-là sont pour une large part français. Il y a aussi, bien sûr, des Autrichiens, il y a toutes sortes de grandes figures de l'urbanisme. L'urbanisme est en plein développement quand lui est jeune. Et cet urbanisme se fonde sur des quantités de choses. Je ne vais pas expliquer toute l'histoire de l'urbanisme. Se fonde sur la dégradation de la ville ancienne, sur l'impossibilité qu'on avait à la gérer malgré les efforts de gens comme Haussmann sous le Second Empire ou de ce Cerdà qui a tracé les villes comme Barcelone par exemple. Hein. Mais enfin, il s'agit de gérer la ville qui devient une énorme machine qui s'épand de façon désordonnée, de la gérer correctement et de la dessiner avec des rues, des places, des arbres, des jardins, des choses qui composent l'urbanisme traditionnel. Une chose que lui refusera et réfutera complètement. Alors vis-à-vis de ces gens installés, connus, il était en rébellion ou bien c'était à moitié un hommage, à moitié une... Ah non, c'est pas du tout un hommage. Enfin, ça dépend. À certains moments de sa vie, il a étudié leurs travaux, il les a célébrés. Il a voulu même, il y a un très célèbre théoricien autrichien dont il avait voulu faire en français l'équivalent, qui s'appelait la construction des villes, il avait voulu en faire un équivalent en langue française. Et donc il se situe au début tout à fait dans l'héritage de l'urbanisme tel qu'il se pratiquait vers 1900 ou à la fin du 19e siècle. Mais dès qu'il apparaît comme urbaniste d'avant-garde, c'est-à-dire en gros en 1922, avec un projet pour une ville de 3000 ans d'habitants qu'il expose au Salon d'automne, il est en rupture radicale avec ces gens-là. Là, il se fonde plutôt, si on veut absolument créer des filiations, sur ce qui a pu être dessiné par exemple en Italie par un urbaniste futuriste qui est mort pendant le conflit de la guerre de 14, qui s'appelait Santelia. Donc il y a quand même des racines à cet urbanisme, à son urbanisme, mais elles sont à prendre ailleurs qu'en France. Quels étaient les rapports du Corbusier à cette époque-là? C'est-à-dire, on parle de la fin des années folles et on se dirige vers les pages les plus sombres d'Europe et de la France en particulier. Quel rapport entretenait le Corbusier avec l'État français? Oh, l'État français, vous voulez dire la Troisième la République, quoi. Oui, les pouvoirs publics. Bah, il n'est pas tellement dans ces registres-là, il est dans les registres plutôt de la commande privée, des gens riches, des collectionneurs de peinture, il est dans le milieu de l'avant-garde, plutôt qu'avec l'État. Il n'a pas de commande d'État avant la guerre. Il n'a pas de commande d'État. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant l'occupation, François Chalin? Pendant l'occupation, va aboutir une chose qui jusqu'ici est relativement... avait été peu étudié, auquel je consacre pas mal de pages dans mon livre. Mettons que c'est un gros livre, mon livre, mais mettons que je consacre 80 pages, le sixième de mon livre, à cette question. Une face cachée du Corbusier. C'est une face cachée, pour reprendre votre titre. C'est une face vraiment cachée qui est l'aboutissement de son compagnonnage avec ce qu'on appellera, pour être simple, le fascisme français. Je dis pour être simple, parce que vous savez que beaucoup d'historiens, comme Michel Vinocq et autres, ne veulent pas qu'on appelle fascisme les mouvements d'extrême droite français, disant qu'il n'y a pas vraiment eu de fascisme en France, que c'est abusif. Enfin, disons quand même les créateurs des partis qui s'appellent le Faisceau et les partis qui vont suivre. Il se trouve que parmi les créateurs ou les militants de ces partis-là, qui sont des partis assez importants, hein, créés en 25, le Faisceau, puis ensuite le parti fasciste révolutionnaire, créé d'une scission en 27 ou 28, on trouve les rares amis intimes de Corbusier, les gens avec qui il vit, les gens qui vont déménager en même temps que lui de la rue, enfin du quartier Saint-Germain-des-Prés où il habite, dans l'immeuble qu'il construit en 32 rue Ningesser-Écoli. Donc ces intimes, ces gens-là sont des militants de ces groupes fascistes créés par Valois ou par des gens de ce genre. Alors c'est une chose qu'il est malvenu de dire, puisque c'est un géant, puisque c'est une figure tellement admirable, on a l'impression que c'est un peu comme l'affaire de Heidegger, dont on parle tellement depuis quelques mois, mais c'est une affaire un peu du même ordre. C'était que ses compagnons sont proches du fascisme. Les revues qu'il crée en 1931 avec Philippe Lamour, qui est vraiment un jeune fasciste, déclaré, lui-même le reconnaîtra dans ses mémoires, Philippe Lamour, la revue Plan, qui va durer environ 2 ans, est une revue, on pourrait dire, essentiellement mussolinienne. Ils sont pas fascistes au sens du nazisme, notamment, même si beaucoup d'entre eux sont très racistes et un peu antisémites, ils ne sont pas racistes, ils ne fondent pas leur fascisme comme le nazisme, sur l'idée de la race. Ouais. C'est une chose qui va un peu les écarter de Mussolini à partir de 35-36. Mais il participe aux émeutes de 34, le Corbusier assiste à ces émeutes, il publie des photos des émeutes dans son livre le plus célèbre, La ville radieuse, en disant « Enfin, le triomphe de la propreté ». Il dédie ce livre à l'autorité, écrit en grosse capitale. Il est membre de ce qu'il appelle le comité central de ce parti, avec ses deux amis dont j'ai parlé, Winter et Pierre Feu, mais avec Lagardelle. Lagardelle est un des théoriciens français du fascisme, qui n'est pas présent puisqu'il est toujours de 32 à la guerre, où il deviendra ministre. Il est chez Mussolini, c'est un conseiller de Mussolini. Donc c'est bien des groupuscules de type fasciste, de type. Ouais, et c'est beaucoup, non? Je veux dire tout ça. C'est beaucoup, c'est pas le côté extrêmement plaisant, et surtout, c'est même un peu le côté extrêmement déplaisant. En plus, il y a beaucoup d'autres choses à reprocher à ces Winter, à ces Pierre Feu, je n'entrerai pas sur leur ésotérisme, leur théorie médicale purement raciste, elles qui sont extraordinaires. L'eugénisme, c'est un homme assez proche de Carrel, il cherche toujours à se rapprocher de Carrel. Il tient des propos pénibles, le Corbusier, souvent, par exemple. Il s'inquiète des loisirs. Il n'y a pas beaucoup de loisirs en 1934. Mais il s'inquiète de ce que les gens vont moins travailler qu'auparavant dans les usines. Il dit, mais on ne peut quand même pas laisser ces gens en ville. Donc il veut que pour ces gens, on construise des stades. Pour qu'ils puissent, puisque le prolétaire est soit dans son logement, soit dans le stade. Sinon, en ville, ça va être le bistrot. Il n'aime pas du tout le monde. Il n'aime pas la ville ancienne. Il n'aime pas la confusion. Il n'aime pas les classes sociales mélangées. Lui-même, d'ailleurs, ne se mélange pas, sinon avec des patrons de restos très sympathiques, ça ou là, sur la Côte d'Azur. C'est un homme qui prône l'ordre sans cesse, qui prône la hiérarchie sans cesse, qui considère que le logement, c'est une cellule. Il l'écrit lui-même souvent, que c'est comme une cellule d'abeille. On lui reprochera toujours de parler, on parlera de ces bâtiments comme des termitières, comme des fourmilières, mais lui-même l'a écrit. Donc il y a l'idée qu'il faut que la personne, l'individu, l'homme principalement, c'est l'homme qui l'intéresse quand même principalement, soit avec sa famille dans son logement, ou sur les pistes de stade, ou bien au travail. Et ce marqueur idéologique sera officialisé à l'époque, durant la période de Vichy. Non, alors là, il fait des pieds et des mains pour devenir en quelque sorte ce qu'on appelle à l'époque le dictateur de l'urbanisme de Vichy. Il le fait par beaucoup de biais, il le fait par des anciens combattants, il le fait par des milieux cléricaux, il le fait par les milieux qui viennent du Redressement français, qui est une organisation de patronat de droite antérieure à la guerre. Il le fait par des amis proches de Pétain et il passe 18 mois à l'hôtel Carlton avec une chambre que lui donne quand même le gouvernement, puisqu'un jour on l'en chasse au bout de 18 mois, et avec l'idée qu'il va devenir l'urbanisme de Vichy. Il ne fera pas grand-chose à Vichy parce que Vichy ne marche pas bien, n'est pas très efficace, mais enfin il sera de ceux sans doute qui convaincront l'administration française et la haute administration française de la nécessité du plan qui va triompher dans l'après-guerre, puisque vous savez qu'une partie de la reconstruction est héritière de la part... pas la plus fasciste ou la plus autoritaire, mais de la part la plus organisatrice de Vichy. Et François Chalin à la Libération, est-ce que Le Corbusier est inquiété ou pas du tout ? Il s'en plaint. Il s'en plaint un peu. D'abord, il y a des rumeurs. Donc, il écrit à des gens qui font circuler des rumeurs, notamment le critique d'Art Zervos, qui est un de ses ennemis, qui est un ami de Picasso. Et puis, il se plaint que Louis Pasteur Valéry Radeau, qui a déjà contribué à purger, si je puis dire, le malheureux Alexis Carrel, le médecin génie, c'est pas malheureux, qui en meurt d'ailleurs d'une crise cardiaque. Il se plaint qu'on veut l'inquiéter. Mais il a pour lui plusieurs atouts. D'une part, il se rapproche du Parti communiste, mais de façon extrêmement singulière, c'est un tête-à-queue complet. Et par ailleurs, il y a dans les rangs du pouvoir des gens comme Dautry, qui est le premier ministre de la Reconstruction, ou surtout Claudius Petit, qui a été allégé pendant une bonne partie de la guerre pour préparer justement l'après-guerre, et pour le préparer notamment l'après-guerre urbanistique, et qui là s'est lié aux amis de Le Corbusier Alger, qui étaient plusieurs architectes de grand talent, et qui est absolument convaincu par ses idées. Donc il y a tout passe en quelque sorte extrêmement facilement, mais comme d'ailleurs pour beaucoup de gens. Son génie le sauve, on peut le dire. Son génie le sauve, les circonstances de la reconstruction, le fait que De Gaulle ne veut pas qu'on considère que la France a été collabo, mais considère que la France a été, qu'il n'y a qu'un certain nombre de gens limités qui ont été collabo et que les choses reprennent comme avant. Est-ce que ce passé fasciste du Corbusier, puisque vous employez l'expression dans mon livre, je n'emploie pas l'expression fasciste, fascisant, disons plutôt. Justement à cause des reproches des historiens. Alors cette approche fascisante du Corbusier, est-ce qu'on la voit dans ses travaux urbanistiques? C'est la question. Vous voyez, c'est la question de, si vous regardez les plans, la ville de 3 millions d'habitants de 22, le plan pour Paris qui consiste à détruire complètement Paris, à conserver la place des Vosges, Notre-Dame, Saint-Méry, deux ou trois choses comme ça, le Palais Royal, tout rasé, remplacé par des tours et par des autoroutes à angle droit et des échangeurs comme dans la campagne américaine. Alors, soit on considère que c'est une utopie formidable d'artiste, et on peut trouver ça frais, on peut trouver que c'est amusant, ou que ça inspire des choses, soit on considère que c'est vraiment l'incarnation d'un maniaque de l'ordre et d'un homme dont les idées politiques sont en cohérence avec ses travaux d'urbanisme. Et qu'en pense le grand critique? Je pense qu'ils sont en cohérence. Ils sont en cohérence? Je pense. Merci beaucoup François Chalin. On se retrouve demain pour la suite de notre série « Les faces cachées du Corbusier ». À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et aujourd'hui, les invités culturels, ils travaillent ensemble, ont déjà réalisé un film autour de Jean-Luc Godard. Et aujourd'hui, on peut voir au cinéma, du moins dans deux salles, au Cinéma des cinéastes et à Champollion, un beau documentaire. Bonjour Olivier Boller, bonjour Céline Gailleur. Bonjour. Filmer Edgar Morin en train de parler des films, l'entendre parler de sa passion des toiles et des étoiles, des genres et des archétypes, de sa vie dans les salles sombres, dresser le portrait d'un des plus célèbres sociologues français à travers sa relation au cinéma, c'est ce que vous faites donc dans Chronique d'un regard, un beau documentaire que je vous recommande vivement, un documentaire donc signé Céline Gailleur et Olivier Boller. C'est un beau titre, Chronique d'un regard, pour un film qui donne d'abord la priorité à la parole de Edgar Morin que vous filmez en train de vous expliquer sa relation au cinéma, et puis aussi la parole à travers les écrits d'Edgar Morin au fil des années consacrées au cinéma, au film, des extraits lus d'ailleurs par Mathieu Amalric dans votre film. Quelle est l'idée de départ ou l'envie première pour filmer tout de suite après Jean-Luc Godard, Edgar Morin? Céline Gaillard. Alors, c'est vrai que Edgar Morin est surtout connu pour aujourd'hui être un penseur attaché aux grandes problématiques à la fois sociétales et politiques de notre époque. Et on ignore bien souvent qu'il a été un des premiers chercheurs au CNRS à consacrer ses objets d'étude au cinéma et à faire entrer de plein pied le cinéma dans le champ des disciplines universitaires. Dès le début des années 50. Absolument. Et a consacré aussi... quelques livres de référence. Hein. Notamment, comme Le cinéma ou l'homme imaginaire, son ouvrage sur les stars aussi, et puis des articles qui sont méconnus, notamment ceux qu'il a publiés dans la revue La Nef, mais aussi dans France Observateur, et qui sont véritablement passionnants. Olivier Bollaert. Oui, c'est certain que Edgar Morin a marqué en France, déjà effectivement par l'introduction du cinéma dans le champ des études universitaires et sociétales, et par ailleurs, évidemment aussi grâce à Chronique d'un été, qui est un film qui a absolument révolutionné le cinéma français, en particulier évidemment le documentaire, puisque Chronique d'un été, co-réalisé avec Jean Rouch, on va parler, marque l'entrée en France du son synchrone, c'est-à-dire la possibilité de ce qui nous semble aujourd'hui une évidence, mais de pouvoir tourner dans la rue et absolument partout des sons et des images liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que jusque-là, quand on faisait un documentaire, on avait des images d'un côté et un commentaire qui arrivait de l'autre. On va en parler, mais tout d'abord, on va écouter un extrait de votre film, Chronique d'un regard, où Edgar Morin explique la genèse de son histoire, de sa passion pour le cinéma. Le cinéma a été pour moi l'occasion d'un grand refuge. J'ai vécu immergé dans une sorte de placenta qui était le cinéma qui me nourrissait. Et je suis devenu cinéphage, c'est-à-dire j'avais besoin de me nourrir de cinéma sans arrêt. J'allais non seulement en grandissant dans les cinémas de mon quartier, il y avait 3 cinémas dans la rue Ménilmontant, mais j'allais sur les boulevards extérieurs, il y avait beaucoup de cinémas du côté de Pigalle, Clichy. Et petit à petit, je suis devenu cinéphile, c'est-à-dire certains films m'ont marqué, comme Le chemin de la vie, ce film soviétique, qui à sa façon me racontait ma propre histoire. Edgar Morin, dans le documentaire de Céline Gaillard et d'Olivier Bollaert, nos deux invités ce matin. Un extrait donc de Chronique d'un regard, ce documentaire qui sort sur grand écran. Comment avez-vous préparé ce film avec Edgar Morin? Parce que vous avez retrouvé quelques documents inédits, des rushs. Des articles, beaucoup d'articles. Vous avez tout lu, je suppose, autour de Morin, de sa relation au cinéma, de ses écrits sur le cinéma. Comment avez-vous réussi avec lui à imaginer un documentaire pour mettre la parole d'Edgar Morin, sa réflexion en images? Effectivement, c'est vrai que ça a été un travail de plus de 2 ans d'immersion totale dans ses écrits et de recherche, effectivement, d'objets inédits comme le scénario de L'heure de la vérité ou même la note d'intention pour le CNC de Chronique d'un été et de ses articles en lien avec le cinéma, mais pas seulement, puisque l'objet de notre film, c'est aussi de montrer que, à travers le cinéma, Edgar Morin va vraiment forger ce qui sera ensuite la pensée complexe, c'est-à-dire cette possibilité de croiser plusieurs disciplines et savoirs, et particulièrement la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie. Et voilà, ça représentait un travail passionnant d'immersion totale. Est-ce que vous avez travaillé avec Edgar Morin? Est-ce qu'on peut dire que c'est le 3e auteur de votre film? Ou c'est l'objet seulement de votre film? Alors c'est sans doute c'est une question complexe, justement. C'est compliqué parce que Edgar, bien sûr, est l'auteur entier de sa parole dans le film, et on ne lui a jamais demandé ni de l'écrire ou ni de, on ne l'a jamais guidé dans une voie ou dans une autre. Il a non, mais autrement dit, est-ce qu'il a participé aussi à la mise en scène de, non, du film? Non. Non, au contraire, l'idée était, on trouvait beaucoup plus stimulant, éventuellement même de le conduire dans certains lieux nous-mêmes, de les lui faire découvrir et d'enregistrer à chaud ses réactions. C'est le cas au musée du Quai Branly, où il était très heureux de se rendre, mais il ne savait pas ni les questions qu'on allait lui poser à ce moment-là, ni même ce qu'il allait rencontrer là-bas au musée du Quai Branly, devant quelle statue ou quelle, voilà, on allait le filmer et le confronter à quelles œuvres. Et de la même façon à la cinémathèque, à la Deutsche Kinemathèque à Berlin, c'est un lieu qu'il ne connaissait pas et il l'a découvert le jour du tournage. Et ce qui nous intéressait, c'était ça, c'était que tout d'un coup, il puisse réagir aussi dans son amour pour le cinéma face à des objets qu'il ne connaissait pas. Et à travers votre film, votre portrait d'Edgar Morin, c'est aussi chronique des années d'or de la critique cinématographique. Il y a une époque où des intellectuels se réunissaient, ça il le raconte très bien Edgar Morin, c'était chez Marguerite Duras dans les années 60, comment il va rencontrer Jean Rouge, comment avec lui il va se lancer dans cette aventure du cinéma du réel ou du cinéma de la vérité. C'est dans votre film Chronique d'un regard, deuxième extrait, où Edgar Morin parle de cette expérience unique. Comment Morin, première, 1. Alors, on fait ça le soir, comme ça. Équipe réduite. Équipe réduite. Travail improvisé, pas de scénario. Oui. Et on verra ce que ça donne. On essaie de voir. Bon, très bien. Déjà, à l'époque où je publie Les Stars, je suis intéressé par le cinéma qu'on appelle à l'époque sociologique ou ethnographique. Je suis en relation avec Rouche, avec Ruspoli, avec quelques autres, avec Jacqueline Veuve. Je vais à des rencontres et festivals de films documentaires. Bien entendu, je vois les films de Jean Rouch et je suis dans ce bain. D'un côté, si vous voulez, je suis quelqu'un qui regarde les films normaux, entre guillemets, avec vedettes, avec stars, avec intrigues plus ou moins stéréotypées. Et d'un autre côté, je suis fasciné par ce cinéma à la recherche du réel. Donc, il se trouve que au premier festival du film ethnographique et sociologique qu'il y a eu à Florence en 1959 ou 60, je ne sais plus très bien, je suis au jury avec Jean Rouge. Nous voyons des films et dont certains me bouleversent, comme Comeback Africa, et d'autres dont la technique m'excite, comme les films de Leacock. C'est surtout Comeback Africa parce que il y avait un repas, des boissons prises en commun par des militants africains noirs contre l'apartheid, qui luttaient contre l'apartheid. Et ce qui m'avait beaucoup saisi, c'est que le fait de boire ensemble et de manger ensemble créait un climat de convivialité et de spontanéité. Je dis à Rouge, pourquoi ne ferais-tu pas avec moi un film non pas sur des Africains, mais sur Paris, sur les Parisiens, sur notre civilisation, et qui s'appellerait Comment vis-tu ? Pourquoi est-ce que je voulais que ça s'appelle Comment vis-tu ? Parce que moi-même, je me posais la question à moi-même, et que j'avais des problèmes de difficultés à vivre, à m'organiser dans mes relations personnelles, sentimentales et autres. Alors c'était une question, la difficulté de vivre, question qui reste de plus en plus actuelle. Et Rouge dit d'accord, un peu légèrement, parce qu'il ne se rendait pas compte que l'affaire allait se concrétiser très vite, puisque dès que, au retour à Paris, j'en parle à Anatole Doman, et il me répond, j'achète. Comment, deux premières ? Puisqu'il faut commencer, justement, Marceline, il faut que on sache un peu, non pas qui tu es, mais il y a une chose qui nous frappe, qui frappe quiconque te rencontre quand il voit tes bras nus. C'est le numéro matricule qui se trouve à ton bras. Et bien sûr, c'était Marceline Loridan. Et ce sont les rushs du film Chronique d'un été de Jean Rouche et d'Edgar Morin que vous avez retrouvés pour le film, pour le portrait Chronique d'un regard consacré à Edgar Morin. Céline Gaillard, Olivier Boller, Quelle a été pour vous la conclusion de cette expérience, c'est-à-dire de plonger dans la vie en réalité d'Edgar Morin? C'est une, dans tous les cas, pour nous, ça restera une période extrêmement marquante de notre existence. Hein. C'est un film qui nous a occupé très longtemps. Hein. Il y a presque 2 ans de préparation pour arriver à la sortie du film aujourd'hui. Il y a encore un an et demi. Et c'est une leçon, Edgar Morin, c'est une leçon pour nous qui est à la fois une leçon de vie dans le sens où on a été totalement fasciné par le fait que à 93 ans, c'est quelqu'un qui est dans une soif de découverte, de curiosité, de rencontre avec l'autre, qui est pour nous un véritable modèle, voilà, une leçon, un savoir-vivre absolu. Et par ailleurs, évidemment, c'est la découverte d'une pensée qui ne peut que nous accompagner, voilà, pour la suite. Olivier Boller, vous travaillez comme producteur depuis. Tout à fait. Alors en fait, on a créé une maison de production avec Raphaël Millet en 2007, hein, qui s'appelle Nocturne Productions, avec le but de faire des documentaires liés à l'histoire du cinéma. Et après donc Jean-Luc Godard, Le Désordre exposé, Edgar Morin, Chronique d'un regard, le prochain c'est qui? Alors c'est une bonne question, on a plusieurs pistes. Vous n'allez rien nous dire ce matin. si, il y a potentiellement un documentaire sur Georges Semprin, qui est en préparation, enfin sur lequel on essaye de commencer à travailler, et puis Raphaël Millet prépare lui une grande redécouverte qui est celle du frère de Méliès, Gaston Méliès, qui a tourné plus de 200 films et qu'on ne connaît pas. Céline Gailleur, vous êtes maître de conférence à Paris 8. Oui, absolument, à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et je dois dire que le fait d'enseigner à Paris 8 a joué un rôle important aussi pour ce film. C'est une des rares formations où vraiment à l'université, la théorie et la pratique sont main dans la main. On a beaucoup d'enseignants qui sont aussi des réalisateurs et qui sont mes collègues et qui n'ont cessé de nous nourrir à différentes étapes du film. Et puis les étudiants aussi, certains se sont impliqués dans l'étape du tournage et aussi du montage. On était ravis de pouvoir travailler avec eux. Chronique d'un regard, votre documentaire sort aujourd'hui dans quelques salles d'art et d'essai à Paris, le cinéma des cinéastes et au Champollion. Et je rappelle que le 4 et 5 mai, Edgar Morin sera avec vous pour animer des débats à l'issue de la projection de ce documentaire que je vous recommande vivement. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. Merci. C'était Un autre jour est possible que vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster en passant par franceculture.fr. Émission réalisée par Thomas Duter et avec aujourd'hui à la technique Valérie Lavalard. Dans un instant, les premières informations du jour et Marc Vanchet, merci d'être revenu nombreux sur France Culture.